Compréhension de l'écrit. Encore une lettre de Paris. Cher Omar, salut, tu vas bien? Tu ne réponds pas. Moi, ça marche. Et toi? Tu reçois mes lettres? J'ai fait beaucoup de sport. C'est chouette. J'aime surtout jouer au tennis et au basketball. J'aime aussi regarder la télé, écouter la radio et dîner au restaurant. Quels sont tes loisirs? Quel sport tu préfères? Réponds-moi vite, s'il te plaît. À bientôt. Ali. La nourriture. Copie les mots suivants. La viande, du poisson, le thé, le petit déjeuner. Copie les mots suivants. Le café, le lait, le jus d'orange, l'œuf, le pain grillé. Le déjeuner. Copie les mots suivants. Le hamburger, les frites, le hot dog, la moutarde. Le dîner. Copie les mots suivants. Les légumes, les pommes de terre, le poulet. Quelques instruments de musique. Entoure ton instrument de musique préféré. Banjo, cymbale, tambour, grelot, violoncelle, contrebasse, tambourin, guitare, flûte, harmonica, saxophone, trombone, tuba, harpe, piano. Quand tu écoutes une musique gaie, tu as envie de danser et de chanter? Les nombres. Écris correctement les nombres en chiffres et en lettres. 61, 61. 62, 62. 63, 63. 64, 64. 65, 65. 66, 66. 67, 67. 68, 68, 69, 69, 70, 70, 71, 71, 72, 72, 73, 73, 74, 74, 75, 75. 76, 76, 77, 77, 78, 78, 79, 79, 80, 80. Conjugaison. Le verbe être au présent de l'indicatif. La règle. Le verbe être n'exprime pas une action. Il permet d'indiquer dans quel état on se trouve. Exemple. je suis content, je suis contente. Conjugaison, le verbe être au présent de l'indicatif. Je suis, tu es, il est, elle est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. Conjugaison. Conjugue le verbe chanter au présent de l'indicatif. Je chante, tu chantes, il chante, elle chante, nous chantons, vous chantez, il chante, elle chante. Chanson. Écoute la maîtresse lire les paroles de la chanson, chante avec elle et avec tes camarades. Des grains de sable sur ma petite table, ce n'est pas joli, ce n'est pas joli. Des miettes de pain sous mon sapin, ça c'est permis, ça c'est permis. Des crayons cassés sur les canapés, devant les invités, c'est refusé, c'est refusé. Des boules de papier sur le parquet, oh quelle idée, oh quelle idée. Maman cherche la propreté, maman cherche la propreté.